à Mungu. Je vous dis la vérité. Ne placez pas la foi dans un homme. L'homme n'est que sable mouvant. Ne vous rangez jamais derrière un homme. Rangeons-nous tous derrière la parole de Dieu. Parce que la parole est Dieu. C'est vrai. C'est pourquoi cette véritable église qui prêche Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est-à-dire c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et le Dieu que les apôtres ont prêché, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est vrai. Jésus est réellement vivant. Yesu akika ni muzima. Jusqu'à ce soir, Jésus est vivant. Kufika na mangaribi, Yesu ni muzima. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 1. Mfuno sura ya kwanza wanaandika. Bien-aimé, quand Jean était dans l'île de Patmos, wapendo wakati Yohana kwa pakisanga Patmos, il a vu le Seigneur se présenter devant lui. Ariona bwana mbele yake. Jean dit, Yohana asema, sa tête et ses cheveux étaient blancs. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait une longue robe et une ceinture autour de la poitrine. Il avait cette étoile dans sa main droite. Et ses pieds étaient comme s'ils étaient embrasés dans une fournaise. La Bible dit, quand moi Jean je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort. Mais il posa sa main droite sur moi en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Croyez-vous que Jésus est vivant? Je vous dis la vérité, bien-aimé. C'est pourquoi Jésus-Christ, c'est la tête de la véritable Église. Et c'est le chef de la véritable Église. Nous n'avons pas un représentant légal au-dessus de nous. Le chef de la véritable Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est écrit dans Éphésiens, au chapitre 1. Le verset 17. Nous prenons directement le verset 19. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Notre Dieu a une puissance d'une grandeur infinie. De sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. Oh bien-aimé, comprenez bien la parole de Dieu. Ce que Jéhovah était, sa puissance, sa force, sa dignité, tout ce que Jéhovah était a été déployé en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous croyons par la Bible que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. C'est vrai. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Jésus est notre chef. C'est pourquoi il est digne d'honneur. Il est digne de louange. Comme nous venons de l'adorer ce soir. Jésus est digne de louange. Je vous dis la vérité. C'est le seul Dieu adorable. Le chef de la véritable église. Et il est la tête de la véritable église. Comme il est écrit dans Colossiens, au chapitre 1. Le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Et sur la terre, les invisibles, les visibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Le premier né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Jésus est la plénitude de toute la divinité. C'est pourquoi, bien aimé, la plénitude de la divinité n'a pas habité en Branham. C'est faux. Branham a une portion de l'esprit. Branham est qu'on a semu tu yaro. Toi tu as une portion de l'esprit. Moi je qu'on a semu yaro. J'ai une portion de l'esprit. Je dis qu'on a semu tu yaro. Mon frère a une portion de l'esprit. On a semu yaro. Mais la plénitude. La kiri utele. A habité en Jésus Christ. Il kala ndani ya mutu Yesu. C'est pourquoi il est le chef. Je commande yeri umukubwa. Et il est la tête de la véritable église du Dieu vivant. C'est pourquoi, cher frère, quiconque est en Jésus, il est dans la sécurité. C'est vrai. Et si vous êtes en lui, il ne vous abandonnera jamais. Je vous dis la vérité. Même dans votre affliction, même dans votre épreuve, dans tous les problèmes que vous avez, les hommes peuvent vous abandonner. Même les frères peuvent t'abandonner. Mais pas Jésus. C'est un secours qui ne manque jamais dans notre détresse. Amen. Amen. Il est écrit. Mais on dit quoi? Dans Hébreux, ouais, le chapitre 13, ouais, Ebrania, kuminatatu. Nous sommes au verset 5. Musaiki atano. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen. Contentez-vous de ce que vous avez, mon frère. Même dans le naturel. Contentez-vous de ce que vous avez. Même dans le spirituel. Contentez-vous de ce que vous êtes. Ne cherchez pas à être ce que Dieu n'a pas fait de toi. C'est vrai. Pour bien marcher avec le Seigneur, il faut se contenter de ce que vous avez et se contenter de ce que vous êtes. Dieu a fait de toi un chantre. Il t'a donné une belle voix. Sois satisfait de ça. Dieu a fait de toi un diacre. Sois satisfait de ça. Dieu a fait de toi un prédicateur. Sois satisfait de ça. Ne cherchez pas à être ce que Dieu n'a pas fait de toi. C'est vrai. La Bible dit, je ne t'abandonnerai point. Et je ne te délaisserai point. C'est notre conviction. C'est pourquoi, frère, quand vous marchez avec le Seigneur, ne marchez pas avec l'expérience de quelqu'un d'autre. Soyez sûr de connaître Dieu par votre propre expérience. C'est vrai. Dieu, c'est notre appui. Il est écrit dans Psaume 46. Le verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. C'est pourquoi, frère, ma soeur bien-aimée, même quand nous sommes ici, que vous soyez malade, que vous ayez mangé ou pas, quand vous venez dans la maison de Dieu, ne venez pas comme un orphelin. Je vous dis la vérité. Notre Dieu, c'est un consolateur. Même si tu es malade, quand tu viens ici, oublie que tu es malade. Oublie que tu n'as pas mangé. Notre Dieu par sa parole, quand on est en train de l'adorer, il peut te guérir instantanément. C'est vrai. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est pour nous un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais. C'est là que nous voulons poser notre foi. Ô Dieu d'Abraham. Oui, le Dieu d'Abraham. Parce que c'est ce qu'il avait fait avec Abraham. Mais c'est déjà de l'histoire. Mais le même Dieu qui a agi avec Abraham, ce soir, il est capable d'agir avec toi. C'est vrai. Il est écrit dans Ésaïe, au chapitre 41. Le verset 10. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Ne promène pas des regards inquiets. Peu importe les besoins que vous avez. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu te dit, je suis ton secours. Et je viens à ton secours. Il ne peut jamais nous abandonner. Frère. Il était avec David. Les hommes ont regardé à l'apparence de David. Barangaria kuumbo ya inja Daudi. Lorsque Goliath apparaissait. Wakati Goliath alifikimama. Pour injurier l'armée, le peuple de Dieu. Juu ya kutukana jeshi ya Mungu. Il s'est levé. Anashimama. Et vous les Israélites. Asema mwe wa Israeli. Trouvez un homme qui peut combattre contre moi. Mutoshe kobutu mwa unaweza kupambana nami. Nous allons nous battre, nous deux. Tutakombana shiba wili. Et celui qui va vaincre. Na ula tashinda. Vous tous, vous serez nos esclaves. Mwe bote mtakoma mitume yetu. Si c'est moi qui vainc. Kama ni mie mina wina. Vous serez nos esclaves. Mwe mtakoma tumwa yetu. Et si c'est vous qui vainc. Na kama ni mwe mwe tushinda. Nous serons vos esclaves. Shie mtakoma tumwa yenu. Trouvez-moi quelqu'un. Mulitoshe komutu mwe. Israël a tremblé. Israël inaanza kutetemeka. Mais le petit David est arrivé. Lakini ule kijana Daudi alifika. Il a posé la question. Anauliza. Qui est cet incirconcis-là? Ni nani umutoshi poko tawiriwa? Qui injurie l'armée de Dieu? Eko na tukana jesi la Mungu. Frère. Duku. David était sûr de sa foi. Daudi alikuwa na hakikisho ya imani yake. Parce que la foi. Sababu imani. Ne regarde pas la grandeur de l'épreuve. Ayangaria ke bunene ya jaribu. La foi. Imani. Croit à l'impossible. Inamina kabila bintu ya kushindakana. Je vous dis la vérité. Ni ukweli. On lui dit c'est Goliath. Mambia se ni Goliath. David c'est un incirconcis. Ndio sisi mtu asipo tairiwa huyu. Et vous le craignez. Na mnamongopa. Mais moi je vais combattre contre lui. Mie mitenda kumkomanisha. Son grand frère lui a dit toi tu es orgueilleux. Mais ouais, toi alors c'est quoi kiburi. D'ailleurs tu es venu c'est pourquoi. Ulikuwa kufanya nini huko? Ça ne t'intéresse pas. Imambo akuangalie. David. Daud. D'ailleurs qu'est-ce que le roi a dit? Ja, mfano anasema nini? Non, le roi a dit celui qui va battre Goliath. Mfano anasema ula tampika Goliath. Le roi va lui donner sa fille comme épouse. Mfano atampatia binti yake sa bibi. David par la foi. Daudi kwa imani yake. Il dit cette fille du roi là, c'est déjà mon épouse. Anasema umu toto wa mfalme ni bibi yangu. Moi je vais battre cet homme. Iye tampika umutu. David a passé en revue les expériences qu'il avait faites avec le Seigneur. Daudi anaanza kugeuza maonjo na kuacha kufana Mungu. Mon frère, depuis que tu as cru. Duku yangu, tangia kuamini kwa. Quelle expérience tu as déjà faite avec le Seigneur? Ni onjo kani lo shakufanyaka kwa na Mungu. Ma sœur, quelle expérience tu as déjà faite avec le Seigneur? Ni onjo kani shakufanyaka kwa na Mungu. David, le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion. David a sema, ule Mungu alitosheka mukinyo wa simba. Et qui m'a délivré de la gueule de l'ours. Na nitosha mukinyo wa duka. Aujourd'hui. Leo. Il va me délivrer de la main de cet incirconcis. Atenyoko atangu mikono umutoshipa utairiwa. David sort. David atoka. Avec sa fronde. Atoka na mupanda yake. Avec cinq pierres. Alikuwa na maibu etano. Le chiffre de la grâce. Ah, namba ya neema. Parce qu'à la croix, sao kumsalaba, Jésus a eu cinq plaies. Yesu Christo alipata vidonda tano. Le chiffre de la grâce. Ah, namba ya neema. Et il se lève. Na anashimama. Il va contre Goliath. Anaenda kumbele ya Goliath. Goliath regarde la taille de David. Goliath anaangalia urefu ya Daudi. Il dit, vous n'êtes pas intelligent. Sema na akili ya muna. Vous me donnez un enfant. Muna niletea mtoto kidogo. Je vais le tirer par la lance. Tamukokota tu kwa mshale. Et le jeter en pâture. Na tapatia sa chakula bandeke. David. Daudi. Par la foi. Kwa imani. Il dit à Goliath. Anasema mwambia Goliath. Toi Goliath. Wewe Goliath. Tu viens me combattre. Muna kwa kunikombanisha. Au nom de tes dieux. Mujina miungu yenu. Mais moi David. Lakini mie Daudi. Je viens te rencontrer. Mina kwa kukombana na wewe. Au nom de l'Éternel des armées. Ya milele Mungu wa majeshi. Et David a eu la victoire. Na Daudi alipata ushindi. Parce que en Jésus-Christ nous avons la victoire. Sababu ni ndani ya Yesu Kristo tuna ushindi. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà le message de la véritable Église. Et deuxièmement, cette véritable Église prêche le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ. Chers frères, selon la Bible, Biblia. Nous ne croyons pas au baptême trinitaire. Si atuamini mubatizo wa Mungu tatu. Au nom du Père. Jina Baba. Du Fils. Jina la Mwana. Et du Saint-Esprit. Na jina la Roho Mtakatifu. Ce n'est pas un baptême biblique. Ile aina ubatizo wa Biblia. Aucun apôtre n'a baptisé de cette manière. Hakuna mtu matamoa la baptizaka mwina namna. Et aucune personne. Na hakuna mtu atamoya. N'a été baptisé en ce titre. Ule alibatizwa mwima jina. Père n'est pas un nom. Baba ina jina. Fils n'est pas un nom. Mwana ina jina. Saint-Esprit n'est pas un nom. Mtakatifu ina jina. Mais le nom de Dieu. Lakini jina ya Mungu. Le nom humain de jina Dieu. Jina ya bumutu ya Mungu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. C'est vrai. Ni kweli. C'est pourquoi dans Jean au chapitre 17. Je komana mu Yohana sura ya 17. Quand vous lisez le verset 6. Wakati wa soma sura Musa ya 6. Le Seigneur Jésus a dit. Bwana Yesu alisema. Père. Baba. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Frère, comprenez l'écriture. C'est-à-dire le nom que Jésus a fait. C'est ça le nom du Père. C'est vrai. Bien-aimé. La véritable Église prêche le baptême. Et cela selon Actes chapitre 2, le verset 36. Il est écrit, Pierre commence à prêcher les jours de la Pentecôte. Des pécheurs étaient venus en grand nombre. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est ça la prédication de Pierre. Il dit aux Juifs. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voilà le baptême biblique. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, quiconque a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'a jamais été baptisé. Je vais vous dire la vérité. C'est pourquoi on ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'a encore rien compris dans les choses de Dieu. C'est vrai. Nous ne croyons pas au baptême des petits-enfants. Un bébé de 3 mois. On va le baptiser. Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait? On ne baptise pas quelqu'un qui rit. Il n'a pas encore compris. C'est pourquoi, mes frères, même nos enfants, nous ne devons pas les forcer d'aller aux eaux du baptême. Non. Apana. Priez pour lui. Ombe watoto. Donnez-lui des conseils. Umushaurie. Envoie-le à l'église. Umusukume kanisa. Quand il comprendra la chose de lui-même, wakati ye mwenye atafika mukuelewa bitu, c'est alors qu'il prendra un engagement de bonne conscience. Je parle tabia mipango na zamiri yake yote. Parce que le baptême, sababu kubatizo, c'est un engagement de bonne conscience. Ya zamiri muzuri. Amen. Amen. C'est vrai. Ukweli. Baptise quelqu'un. Baptisa mutu. Qui n'a rien compris. Ule ayaelewa kitu. Or, selon la parole de Dieu. Japo kufuata neno la Mungu. Avant que quelqu'un soit baptisé. Bena mutu abatiziwe. Premièrement, il doit écouter la folie de la prédication de ya la croix. Ya kwanza anapashikia bazimu ya mahubiri ya msalaba. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 21, La Bible dit, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Amen. Le pécheur doit écouter la prédication de la croix. Mutenda Zambia na pasi kushikia mahubiri ya msalaba. Tel que tu es là. Pa vile uko pale. Bien aimé. Mupapendo. On te montre que Jésus-Christ est celui le sauveur. Bana konesa Yesu Kristo yeye ndio mkombozi. Il est mort à la croix pour tes péchés. Alikufa kwa msalaba juu ya madhambi yako. Oui. Ndio. Il a pris ta place. Alibeba fasi yako. Lui qui n'a rien fait. Yeye chukua afanye kitu. Mais il a pris notre place en nous. Alibeba fasi yetu sie. Les pécheurs. Watenda Zambi. Frère, pourquoi ne pas être reconnaissant pour ce que Jésus a fait pour nous. Mon frère, pourquoi tu peux marquer la reconnaissance à ce que Jésus a fait pour toi? Il a payé le prix. Il a supporté la souffrance. Il a été injurié. Fouetté. On a craché sur lui. Pour nos péchés. Qui pouvait mourir d'une telle mort? Ton papa ne pouvait pas mourir. Ni mon père. Ata baba yangu. Même personne parmi nous. Ata mutu mo, akuna mutu ata baba ne pouvait pas accepter de mourir comme le Seigneur était mort. Ni. Devant les hommes et les femmes. Frère, c'était humiliant. Et quand le pécheur comprend ça, par la foi, son cœur est attristé. Et cette tristesse-là, conduit la personne à la repentance. Il regrette sincèrement de ses péchés. C'est ce que la repentance fait. Écoutez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 7. Au verset 9. Je me réjouis à cette heure. Mwisa, ni unafurahiwa. Non pas de ce que vous avez été attristé. Apana juu muri huzunisha. Mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Kusudi vile huzuni yenu ilimipeleka mkutubu. Car vous avez été attristé. Kwani muhuzunishwa. Selon Dieu. Kufuatana na Mungu. Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Kusudi musipokee kwetu alimfuata umoja. En effet. Kwa kuwa. La tristesse selon Dieu. Huzuni kufuatana na Mungu. Produit une repentance à salut. Ikuna tosha. Dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est pourquoi un homme avant d'être baptisé, la personne doit écouter la folie de la prédication de la croix. Et cette prédication va toucher son cœur. Et il va se produire une tristesse dans son cœur. Et la tristesse conduira la personne à la repentance. La repentance, c'est un regret sincère. Et quand la personne expérimente une véritable repentance, avant qu'elle soit même plongée dans les eaux du baptême, il est déjà justifié. Parce que nous sommes justifiés par la foi. Il expérimente déjà le pardon de son péché. C'est vrai, mes chers frères. Et quand la personne se répand, on plonge dans les eaux du baptême un homme déjà sauvé. un homme déjà pardonné de ses péchés. Je vous dis la vérité. Les eaux du baptême ne nous sanctifient pas. Non. Mais c'est notre engagement. Nous acceptons l'offre de grâce que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ. C'est pourquoi beaucoup de personnes parmi nous n'expérimentent pas la nouvelle naissance. Parce que les jours où ils ont crié le Seigneur, ils ne se sont pas repentis correctement. Ils n'ont pas compris ce qu'il a fait. C'est pourquoi l'homme est converti avant même qu'il soit plongé dans les eaux du baptême. Il est déjà converti. Il a une nouvelle pensée. Oui, il allait dans cette direction. Mais maintenant il va changer. Il va vers la direction de la croix. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi le baptême et la repentance marchent ensemble. C'est vrai. Regardez dans toute la Bible, bien-aimé. Tous les grands hommes de Dieu, commençant par Jean-Baptiste. Jean a commencé son ministère avec la repentance. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 1, la Bible dit, en ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est relié à la repentance. Quand quelqu'un n'a pas expérimenté une bonne repentance, c'est difficile qu'il expérimente une véritable nouvelle naissance. C'est vrai. J'ai lu un petit quelque chose. Dans le christianisme traditionnel, à la page 102, il est dit ceci. Mais dit quoi? Celui qui considère plus exactement le contexte pourra constater qu'il ne s'agit pas seulement d'un acte apparent. Le baptême, ce n'est pas un acte apparent. Ce n'est même pas un acte religieux. Non. Mais, bien de ce que la personne concernée a auparavant expérimenté une conversion par le regret et la repentance et qu'elle a reçu l'assurance du pardon de ses péchés par la foi en Jésus-Christ. C'est alors qu'en tant que morte et crucifiée avec Christ, elle s'est fait ensevelir symboliquement avec lui na Christ, par une seule immersion dans les eaux mumaji, afin de marcher désormais sasa, avec lui naaye, dans une nouvelle vie. Mumaisha. Amen. Amen. C'est vrai. Ikweli. C'est pourquoi plusieurs personnes n'expérimentent pas la nouvelle naissance. C'est parce qu'ils n'ont pas expérimenté une repentance sincère. Voilà pourquoi la véritable Église prêche le baptême au nom de Jésus-Christ et la repentance qui est un regret sincère. Bien-aimé, quand quelqu'un naît de nouveau, il saura qu'il est né de nouveau. Je voudrais que l'église comprenne ceci. La nouvelle naissance, ce n'est pas une histoire. Non. C'est une réalité. Parce que la nouvelle naissance, c'est une vie. Quand elle s'opère en toi, tu dois savoir que je suis né de nouveau. Amen. C'est vrai. Même si l'église te témoigne en bien, même si les païens te témoignent en bien, c'est très bien. Mais que dit ta propre conscience? La repentance. Mon frère, tu vas à Lubumbashi, tu vas coucher l'adultère avec une femme, et tu rentres chez toi, ta femme n'en sait rien. Tu vas répondre. Chacun devra vérifier dans son âme, dans son cœur, dans sa conscience, qu'est-ce que son cœur cache? Tu peux cacher aujourd'hui un secret, mais la Bible dit, grand Dieu jugera même les actions secrètes des hommes. Tu gardes un secret en toi. Ma soeur, tu gardes un secret. Tu as fait quelque chose de faux et tu as caché ça. Tu ne dis pas la chose à ton mari. Cache cela. Mais ça, c'est que grand Dieu jugera les actions secrètes. Il est écrit dans Romains, au chapitre 2. Lisons rapidement Romains, chapitre 2. Le verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour du Seigneur. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre l'écriture. Tu vas à Lubumbashi. Tu reviens. Chérie, pardonne-moi. J'étais tombé à Lubumbashi. Dans chaque voyage que tu fais, quand tu reviens, chérie, pardonne-moi. J'étais tombé. Bien-aimé. Unapandaka ni kumuti ya lipapa ikulo unangukaka ubie ni mambo ya namu na gani. C'est au papaye que tu montes pour tomber ou c'est comment? La repentance, ce n'est pas un jeu. Kutubwa ena michezo. Quand quelqu'un se repent réellement, kutukama atubu na roya ke yoti, il doit produire les fruits de la repentance. Anapasa kutosha sa matunda ya kutubu kwake. Et le fruit de la repentance, na kutoba, c'est l'abandon de cette vie-là. Inekalaga ni kuachiria ile maisha. Dieu va juger les actions secrètes. Tout ce que tu caches dans ton cœur, tu as fabriqué un enfant quelque part, le jour de ta mort, maintenant la sœur est surprise. Une famille vient avec un garçon de 5 ans, Laurent. On dit non, lui aussi est membre de cette famille. Laurent, naeni mutoto amwikizazi. Le monsieur qui est mort, c'est ça son papa. Ubwana nakufa njo babake. Et tout le monde commence à s'étonner. Na totala kuchanga. Et on regarde l'enfant. Na banangala mutoto. Son nez. Pua yake. Son teint. Ah, teint yake. C'est comme frère Y qui est ici. Anafanana na nduku mwa Y kwa. Cher frère, on ne se moque pas de Dieu. Ce que nous aura semé, il va le moissonner. Je vous dis la vérité. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu d'amour. Et jusqu'à ce soir, il veut que tu mettes ta vie en ordre. Parce que son but et son objectif, c'est de te donner le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comment il va te donner le Saint-Esprit? Avec une conscience sale. Avec une âme sale. Avec un cœur sale. Repentez-vous. Bien-aimés. Repentez-vous. Regarde dans ta vie. Le Seigneur revient bientôt. Et la venue du Seigneur ne doit pas seulement être une chanson dans nos bouches. Non, non. Nous devons déjà être préparés. Et ce qui nous prépare, c'est la parole de Dieu. C'est vrai. Notre Dieu nous parle au moyen de sa parole. Ce soir, que cache ton cœur, mon frère, ma soeur bien-aimée, que cache ton cœur, que Dieu nous fasse grâce, afin que chacun fasse un examen de conscience. C'est vrai, il est écrit. Voyez, même quand David avait fauté, quand il a commis adultère avec la femme d'autrui, bien-aimé, il a fait le malin, il semblait se cacher pour cacher la chose. Il dit, oh non, envoyez-moi Uri. Il revient. Uri en Afrique. David lui dit, tu es fatigué, non? Va passer une nuit chez toi. Wendo kalale kwako. La Bible dit, Biliasema, il lui a donné du vin. Arupacha mvinyo. Il boit. Yuri kunya. Il va passer la nuit chez toi. Wendo kalale kwako. David faisait le malin. Daoudi aranzo fia fabu janja. Parce qu'il savait que si Uri allait passer la nuit chez lui, Yuri, kama Uri, kulala kwake, il aurait fait du plaisir avec son épouse. Atenda kulala na bibi yake. Mais Uri, en tant qu'un soldat fidèle, sans soldat mwaminif, il dit non. Asem shwezi, je ne peux pas passer la nuit chez moi. Shwezi kwenda kulala kwangu, parce que l'armée de l'Éternel est à la guerre. Sababu jeshi ya milele iko mvita. Il a passé la nuit dehors. On dit au roi, David n'est pas allé chez lui. Il a passé la nuit quelque part ici. David lui dit, comment, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a encore donné du vin. Il dit, va aller chez toi. Uri a fait la même histoire. Uri anafanya mambo mamboye. Il a passé la nuit quelque part. Analapa kama mpango wa falme. David s'est dit. Daudi anasema. Hapa sasa mambo inakuwa ngumu. Là ça devient difficile. Frère. Uduku. Kama ngari na fuchama. La, tant que tu te caches encore. Kuko shiku Mungu atakutosha kweupe. Il y a un jour Dieu te mettra à nu. Je vous dis la vérité. Notre Dieu. C'est un Dieu de circonstances. Ni Mungu wa manyakati. Ne te cache pas devant les gens. Même quand tu vas boire. Même quand tu vas coucher l'adultère. Tu vas regarder à droite. Et tu vas regarder à gauche. Mais tu ne vas pas regarder en haut. David écrit une lettre. Il envoie au général. Placez Uri au plus fort du combat. Beba Uri, mweke kule mbukonvi mkonguvu kabisa. Afin qu'il meure. Kusuri akufwe. Il prend la lettre. Aiba barua. Il la remet à David. Anampacha Uri. David prend la nouvelle de sa mort. Uri. Il prend la nouvelle de sa mort. Anabeba abari alufu lwaki. Et il va déposer la lettre au général. Naenda mpatia yo jemadari. Et on a placé Uri au plus fort du combat. Na banamweka Uri kule mbukonvi mkonguvu kabisa. Uri est mort. Uri anakufwa. On dit à David, Uri est mort. Uri anakufwa. Il dit ok, très bien. Asem uzuri, anapika mikono. Il prend sa femme. Anaba bibi yake, bibi wa ule Uri. Il en a fait sa femme. Anamweka anakuwa bibi yake kunyumba. Mais grand Dieu. Mais ule Mungu mkubwa. Voyez la chose. Areza kone le mambo. Il dit à Nathan. Anambia Nathan. Va voir David. Wendo mone Daudi. Nathan vient. Nathan nakuya. David dit. Ndio mwambia. Bienvenue. Ah, karibu sana. Serviteur de Dieu, prions d'abord le Seigneur. Un hypocrite, munafiki. Le prophète lui dit, Nabi Amambia, je vais te dire quelque chose. Dans un village, il y a des hommes. Quelqu'un était riche. Il avait beaucoup de brebis. L'autre était pauvre. Il n'avait qu'une seule brebis. Mais cet homme riche ici, il a eu des visiteurs chez lui. Au lieu de prendre une brebis dans sa bergerie et d'apprêter à ses visiteurs, il est allé ravir la seule brebis de cet homme pauvre. Maintenant, toi, David, ça, doubt. Si cet homme était dans ton pays, qu'est-ce que tu lui aurais fait? David dit non, c'est simple. Cet homme doit restituer 4 brebis et il doit mourir. Le prophète lui dit très bien. Tu es très sage. Que Dieu te bénisse. Maintenant écoute. Cet homme qui doit payer 4 brebis et qui doit mourir, c'est toi le roi David. Tu as tué Uri et tu as pris sa femme. Bien aimé. Pour montrer que David était un fils de Dieu, la Bible dit, il est tombé. Et il a dit, j'ai péché. Mon frère, reconnais ton péché. Ma soeur bien-aimée, reconnais ton péché. Le sang de Jésus-Christ nous pardonne jusqu'à ce soir. Il nous purifie. Il nous lave. Jusqu'à ce soir, n'ayez pas un cœur endurci. Non. Mets ta vie en ordre. Maisha yako. Et que ton âme soit en paix. Nafsi yako komu salama. Parce que la Bible dit, asema, recherchez la paix avec tous. Na futisha ni salama na batu et la sanctification na utakaso, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hakuna mutu taona buwana. Que cache ton cœur? Ma soeur bien-aimée. Mon frère bien-aimé. Que cache ton cœur? Ce soir, demande la grâce de Dieu et le Seigneur va te secourir. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse.